On va parler de chronique repêchage de la NFL avec Hugues Fouché. Salut Hugues. Salut Denis, comment ça va? Ça va bien Hugues. Avant de parler de notre sujet principal, deux petites affaires, puis je veux avoir des réponses quand même assez vite de ta part, là, puisqu'on peut parler pendant une demi-heure. Okay? La USFL, hier, j'ai fait ma première entrevue avec un podcasteur américain, encore une fois. Je suis rendu pas pire avec les Américains, je commence à avoir des contacts pas mal, là. Oui, ben oui, Puis, hein? est-ce que ça t'intéresse, toi? Je pense que je vais regarder, oui. Écoute, j'ai vu, juste pour te dire, j'ai vu les joueurs passer, c'est pas du gros calibre. Mais pour moi, c'est en bas. Ça va être quand même assez en bas de ce que évidemment de la NFL, mais aussi de la Ligue canadienne. Tu sais, c'est vraiment une ligue bien ordinaire au niveau du potentiel. Il n'y a pas grand-chose, mais tu sais, c'est quand même du football, puis il y a quand même des bons joueurs. C'est sûr que je vais regarder. OK, deuxième affaire. Là, on va aller dans la NFL. Tu trouves ça curieux, toi, que dans la conférence nationale, il n'y a pas grandes équipes qui ont fait du. Ils ont essayé de s'améliorer, compte tenu que la fenêtre Oui. est très ouverte comparativement à la conférence américaine où il y a 5-6 équipes. À l'actuelle, là, tu ferais des prédictions demain, il y a à peu près 2 à 3, peut-être 4 et 2, 3 équipes qui sont légitimement Super Bowl. Tu peux parler de quoi? Les 49ers? Moi, les Rams, j'ai de la misère avec eux autres parce que, tu sais. Parce que souvent, c'est rare là, que ça revient, là, t'sais, 2 années de fil. Donc, il faut les exclure. Il y a les Rams, il y a les Buccaneers, Oui. Packers va être là encore. Puis moi, Oui. Arizona, ils ont quand même un gros. Ils ont quand même un Oui. gros. Une fenêtre. Mais tu trouves-tu curieux que ça a pas travaillé fort pour améliorer, compte tenu que la fenêtre est ouverte? C'est sûr qu'il reste encore du temps, là. Écoute, j'en reviens pas parce qu'effectivement, oui, il reste du temps puis il reste des bons joueurs dans l'autonomie en passant, là. Ouais. Ça serait faux de penser que les joueurs autonomes, c'est fini. Il reste quelques bons joueurs. Même il en reste beaucoup parce que les équipes ont tellement dépensé qu'ils n'ont plus d'argent pour signer. Ouais. Les joueurs ont peut-être un peu moins, mais écoute, Julio Jones est encore là. Il y a plein de bons joueurs, là. C'est pas fini. Mais je veux dire, oui, je suis surpris. Puis honnêtement, même si on parlait de San Francisco, c'est ça, c'est pas sûr, moi, parce que Trey Lance, à date, j'ai pas été très impressionné par sa première saison, même s'il n'a pas joué beaucoup. Je suis pas sûr qu'il. Écoute, c'est vraiment wide open, un point Très une ouvert équipe comme comparativement à Philadelphie. l'américaine. Oui. Oui. C'est qu'effectivement, il suffirait qu'une équipe décide de délier un petit peu le cordon de la bourse puis d'aller chercher de s'améliorer via leur pêchage puis quelques joueurs autonomes pour devenir compétitifs parce qu'il n'y a pas vraiment, à part les Buccaneers, comme tu dis, puis peut-être les Rams, il n'y a pas beaucoup d'équipes dominantes. Il n'y en a pas, en fait. Oh, C'est très faible par rapport à une nouvelle qui l'américaine. vient de tomber juste, Oui. Breaking News, Dwayne Haskins Oui. est décédé. J'ai vu ça ce matin passé, effectivement. Le tweet de Chester a fait un petit peu jaser, là, parce que c'est. Ouais. Il y a. Y a c'était pas très. En tout cas, il a peut-être mal choisi ses mots, là, pour parler de ça, mais effectivement, ouais, Dwayne Haskins se fait frapper par une automobile, puis il serait décédé ce matin. Une triste nouvelle. Lui, il n'était pas On n'a vraiment pas les détails, dans mais. l'échiquier des Steelers, parce qu'on parlait des Non. non, tu sais, il était, tu sais, ça restait un potentiel brut, mais qui restait à développer. Ouais. OK. Oui, puis non, on s'entend que il était plus d'implant. La signature Trubisky. de Trubisky démontrait que c'était pas le gars des Steelers. Ils ont eu un an pour l'évaluer, puis mais c'est quand même un gars qui avait un beau potentiel. C'est tellement dommage de mourir aussi jeune en plus, là. Alors il avait quand même toute la vie, puis c'est plat. OK. Ce n'est un, c'est qu'elle aurait pu se ramasser éventuellement dans l'USFL, je pense. Oui. Comment tu trouves le repêchage des porteurs de ballon cette année? Est-ce qu'on peut Oui. le qualifier de bon? Est-ce qu'on peut le qualifier de potable ou. Je pense qu'on peut le qualifier de bon, mais pas extraordinaire, mais bon. Il y a trois prospects qui sont pour moi en haut de la liste qui devraient devenir des partants de grande qualité là, dans la NFL. Kenneth Walker, Breece Hall et puis Isaiah Spiller. Mais pour moi, c'est les trois. Mais avant, je veux juste te parler un petit peu là, rapidement de comment je fais mes classements pour les porteurs de ballon. Juste pour les critères, je vais faire ça rapidement. Juste pour te dire, il y a deux façons d'évaluer des prospects. Je vais t'en reparler quand on va faire les autres classements, là, mais il y a deux façons d'évaluer des prospects pour la NFL. En anglais, on appelle les tapes puis les traits. Donc, les tapes, c'est ce que le joueur a fait sur le terrain. Les traits, c'est les traits qu'on recherche à une position particulière. Donc, il y a certains traits qu'on recherche que. On le sait que des joueurs qui ont ces traits-là peuvent avoir succès. Donc, ça, c'est clair. Comme il court son 40 verges, sa grandeur, son poids, etc. Ça peut être toutes sortes de... Et donc, la production sur le terrain, qui sont les tapes, okay. Puis les traits. Donc, j'avais fait en 2017 un texte, puis ça a toujours été un petit peu la même chose, où je m'étais amusé à regarder les meilleurs porteurs de ballon dans la NFL, c'était quoi leurs traits en particulier, OK? Je dis ça bien vite à cette époque-là, puis ça a toujours, j'ai toujours revérifié, puis ça a toujours resté la même chose. 18 des 20 meilleurs porteurs de ballon de la NFL pesaient plus que 215 livres. Okay. Donc, malgré le fait que, tu sais, la NFL est une ligue qui va de plus en plus vers la passe, c'est rare des gars en bas de 210 livres ou 215 livres qui ont vraiment du succès. T'as à peu près juste Christian McCaffrey qui est à 200 livres, à peu près 205 livres. Le reste, c'est tous des taupins de 215 livres et plus, des Derrick Henry, des Taylor, des gros gars, des Damien Harris, tu sais, des gros gars de 215, 220 livres et plus. 16 des 20 meilleurs ont joué dans une conférence Power 5. Donc, c'est à chaque année, on capote sur les prospects de petites universités, mais il y en a 16 des 20 meilleurs qui viennent d'universités prouvées. Tous les joueurs du top 20 ont déjà connu au moins une saison de 1000 verges à l'université, sauf un. Mais tous les gars qui ont... c'est tous des gars qui ont eu au moins une saison de 1000 verges. Et quand tu analyses un prospect, ce prospect-là n'a jamais eu une saison de 1000 verges à l'université, tu sais que ses chances de devenir un top dans la NFL ne sont pas élevées. Et puis, 17 des 20 meilleurs porteurs de ballon avaient couru leurs 40 verges en bas de 4,6 secondes. Donc, puis tous les joueurs qui appartenaient au top 12. C'est que ça, c'est quand on dit des traits, c'est des traits que tu recherches chez un porteur de ballon. Alors, si on prend mon top 3, moi, mon premier nom, c'est Breece Hall de Iowa State. Okay. C'est mon favori. Moi, c'est mon favori. Wallet, je regarde Wallet, là. Et lui, il va avec Isaiah Spiller. Ben, il est bon aussi. Moi, j'aime mieux Breece Hall, mais c'est pas un mauvais choix, Isaiah Spiller. Comme je t'ai dit, il y a un top 3 pour moi qui est meilleur, qui est au-dessus des autres. C'est vraiment Spiller, Breece Hall, puis Kenneth Walker. Mais moi, j'ai Breece Hall en premier. Kenneth Walker, il était longtemps considéré, surtout au début de l'année, on le voyait candidat potentiel au Heisman. Hein? Oui. Il a connu un gros début de saison. Mais tu sais, si je regarde ses stats, là, écoute, il y a quand même 1634 verges, Kenneth Walker, 6,2 verges par course, OK? Non, mais ça, c'est de la verge par course, là. 6,2, c'est qu'à chaque fois qu'il porte le ballon, en moyenne, il va chercher 6 verges et plus. Il a marqué 18 touchés, mais il y a seulement 89 verges par la passe. OK. Donc, il n'est pas utilisé dans le jeu de passe du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, mais c'est sûr qu'à Michigan State, on n'a pas vu ça de lui. Alors, est-ce que, tu sais, il est très bon, ses tapes sont excellents par ailleurs, là, quelqu'un pourrait le mettre premier, puis je dirais pas, tu sais, honnêtement, entre Hall, Spiller, puis Walker, je m'assinerai pas longtemps, là, je vais avoir la meilleure carrière, là, c'est trois pour moi qui sont au-dessus des autres, mais lequel est le meilleur, c'est dur à dire, mais Walker, j'aime pas le fait qu'il n'a pas été utilisé dans le jeu de passe. Par contre, il y a un burst incroyable, il y a une accélération, ses changements de direction sont incroyables aussi. On voit qu'il y a des jambes puissantes, il est difficile à plaquer, il casse des plaqués régulièrement. Je m'étais marqué une note qui devrait courir dans les 4,5 ou mieux, son 40 verges, selon ce que j'ai vu sur le terrain, finalement, il a couru en 4,38. Okay. C'est très explosif, très bon joueur de football. Spiller, le premier de Wallet que tu disais, je peux te dire que c'est un joueur que j'adore. Il n'y a pas une production extraordinaire. C'est pas vrai. Il a quand même connu deux saisons au-dessus de 1000 verges. Lui, vois-tu, c'est 5,7 verges par course. Il est plus utilisé dans le jeu de passe, mais ce que les admirateurs de Spiller aiment, je pense beaucoup, c'est son style aussi. Il y a un style qui ressemble pas un talent, mais un style qui ressemble un petit peu à Adrian Peterson dans sa façon de courir. Okay. Il est droit un peu, il est puissant lui aussi. Très bon joueur, 6 pieds 1, 215 livres. Tu vois, il rencontre le critère aussi là, au niveau de son physique. Il est très explosif. Puis lui, il a pas couru au NFL Combine parce que on pensait qu'il serait peut-être un peu moins rapide que Breece Hall. Puis, alors, il a pas voulu, il a comme pas voulu se mesurer aux deux autres, mais ça change rien, honnêtement. C'est pas, c'est pas important tant que ça, le 40 verges pour un porteur de ballon. Très bon joueur. Donc, certains l'ont. Ça serait pas surprenant qu'il soit le premier repêché. Ben, ça peut être n'importe quel des trois. Tu vois, le Walter, je suis sur un mock draft, là. Allez, ça a changé pareil. Hein. Auparavant, les porteurs de ballon, c'était des carrières, les porteurs de ballon là, qui étaient repêchés. Donc, le premier qui sortirait, selon le walterfootball.com, c'est ce serait Breece Hall par Houston en deuxième ronde. Et Kenneth Walker sortirait immédiatement après par les Jets de New York. Est-ce que tu es d'accord avec ça? 37-38 à peu près. Moi, c'est mon classement. Moi, j'ai Hall en premier, Walker en deuxième, Spiller en troisième. Mais comme je te dis, le gap est tellement faible que ça pourrait être n'importe quel. Mais moi, j'aime mieux Breece Hall. En deuxième ronde, es-tu d'accord avec ça? En deuxième ronde, ou on le verra pas en fin de première ronde? Écoute, je suis d'accord. Je pense que c'est vers ça que la NFL s'en va. Mais si une équipe en fin de première ronde repêchait un gars comme Breece Hall, par exemple, qui a tous les attributs. Là. Lui, écoute, ça fait deux saisons d'affilée de plus que 1500 verges. Il est bon dans le jeu de passe, il est bon au sol, il est explosif, beaucoup meilleur que David Montgomery, qui venait de la même université que lui, mais c'est pas le même calibre. Hall est vraiment meilleur que Montgomery. Lui, il coche vraiment toutes les cases, puis il a été productif longtemps. C'est que c'est une équipe, là, c'est pas Jonathan Taylor, mais c'est pas mal ce qui est le plus proche de Jonathan Taylor que tu peux trouver au niveau collégial, dans le sens où il a produit vraiment beaucoup, avec une ligne offensive en plus très moyenne en avant de lui. Moi, si une équipe disait, ben écoute, j'ai mieux repêché un porteur de ballon vraiment solide en fin de première ronde qu'un demi-coin médiocre, ben je trouverais pas que c'est niaiseux de le faire. Mais c'est sûr que la toute fin de la première ronde, là, c'est le plus vite qui pourrait être repêché. Mais deuxième ronde, je suis d'accord, je pense que c'est un 4 bon choix. 4 à 5 maintenant. Oui. Ça dépend beaucoup des sites que tu vas consulter ou des endroits. Il y a beaucoup de gens qui ont Karen Williams de Notre-Dame ou James Cook de Georgia dans ces... dans ces eaux-là. Allegier aussi, Tyler Allegier de BYU revient souvent. Écoute, juste pour te dire, ces gars-là, Karen Williams et James Cook, c'est des plus petits porteurs de ballon, donc on parle de gars en bas de 200 livres. C'est plus des gars qui vont être utilisés en situation de troisième essai, mais ils sont très bons tous les deux. Moi, je trouve ça trop rapide pour un gars comme ça. Je ne mettrais pas dans le top 5 ni un l'autre. Mais ils sont bons, mais... Je les trouve trop petits, puis comme je t'ai dit tantôt dans les classements, les gars de cette grosseur-là, dans la NFL, ils sont limités à des rôles de troisième essai, donc des situations de passe uniquement. Donc moi, je les prendrais pas, mais c'est deux bons joueurs. Allegier de BYU, c'est un gars qui a eu une grosse production offensive. On parle de 1600 verges, 23 touchés, 5,9 verges par portée. J'ai pas de problème à le mettre aussi haut, mais sais-tu qui que moi j'aime beaucoup puis que j'aurais mis avant ces gars-là? Non. Puis tu penses que tu vas être d'accord quand je vais te nommer son nom. Jerome Ford de Cincinnati. OK. Vous connaissez pas, là, mais j'ai joué cette année l'ancien transfert d'Alabama. Okay. Qui a connu une grosse saison. C'était la pièce maîtresse de l'attaque de Cincinnati. Peut-être encore plus important, je te dirais, que n'importe qui d'autre. Là, il a connu une saison productive, mais lui, c'est un gars qui n'arrivait pas à percer à Alabama, c'est qu'il a décidé de transférer à Cincinnati. Il a gagné 1307 verges cette année, 6,1 verges par course, 19 touchés, 220 verges par la passe, c'est un gros bonhomme de 220 livres. Il est très puissant, très explosif. Moi, j'aurais tendance à mettre Jerome Ford dans mon top 5 avant des gars comme Williams ou Cook, mais c'est une question de préférence. Là. Okay. J'aime les gros bonhommes comme porteurs de ballon. Je vais t'amener aussi le nom de Brian Robinson de Alabama. C'est une carte cachée ou c'est pas une carte cachée? C'est pas une carte cachée. C'est des gars qui font partie du top 5 de certains experts. Okay. Je peux pas dire vraiment que c'est une carte cachée. Une carte cachée, je vais t'en sortir une. Mais pas les autres. J'aime toujours ça, la fameuse carte cachée. Là. Oui. Attends, ce que je mettrais comme carte cachée, Écoute, j'en ai comme carte cachée, j'aurais Kennedy Brooks de Alabama, de Oklahoma, qui est un, mais c'est pas ma principale carte cachée, mais oui, c'est un gars qui a connu, comment je peux dire, qui a pas connu la production qu'on aurait voulu, mais c'est un bon joueur, c'est un gros porteur de ballon, qui est un petit peu dans le genre de Ramondre Stevenson que tu as vu avec les Patriots cette année. Donc, c'est un quatrième monde qui a quand même bien fait. C'est ce genre de gars-là. Il fait une chose, lui, il court en puissance. C'est pas un gars qui mais comme Stevenson, il est bon dans ce qu'il fait. Puis moi, le gars que je te dirais, carte cachée que j'aime beaucoup, moi, c'est Ty Chandler qui a joué pour North Carolina. Qui est un plus petit porteur de ballon, mais qui est excellent. Il serait excellent dans un rôle de receiving back, de troisième essai. Donc, il a joué pour Tennessee. Ensuite, il est transféré à North Carolina. C'est un gars que j'aime beaucoup, moi, Ty Chandler, qui s'appelle. Il devrait être repêché en troisième journée. Je pense qu'il n'est pas... c'est pas un phénomène athlétique, mais ses tapes sont excellentes. C'est un très bon joueur de football. Ça pourrait être un petit peu dans le genre de James White comme, comme joueur. Il pourrait avoir une longue carrière dans ce genre de rôle-là. Bon, ben ça va nous faire... la semaine prochaine, on va y aller avec les receveurs de passe. C'est une année de receveurs de passe, on va se le dire. Oui. C'est vraiment exceptionnel. Oui. Comme. Donc, ça risque d'être plus long comme chronique. Donc... Hugues, on s'en reparle la prochaine. La semaine prochaine. Notre ami Hugues Fouché qui nous parlait des prospects des porteurs de ballon.